بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication de منظومة شرح منظومة الآداب الشرعية. Donc le cours sur l'explication du poème qui a été écrit sur l'éthique de la charia. Et on a terminé le chapitre qui s'intitule Saunul Jawarih, c'est-à-dire la protection des membres du corps. Et là, on arrive à un autre chapitre qui s'intitule Tahrimul Ghibati wa Namima, c'est-à-dire l'interdiction de parler dans le dos et de faire de la médisance. Donc, on va lire ça. Et le cheikh, il commence par l'explication du titre du chapitre, c'est-à-dire il fait comme une introduction sur ce sujet-là. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit « Al-ghibatu wa al-namimatu jarimatani min al-jara'im al-khuluqiyya. Wal-ghibatu, kama bayyanaha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, dhikruka akhaka bima yakrah. Ya'ni fi ghaybati. Fal-ghibatu ma'khuzatun min al-ghayba. Ya'ni wa hiya adam al-hudur. فإذا تكلمت في شخص غائب بما يكرهه من صفاته فهذه هي الغيبة والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فشبه اغتياب الشخص بأكل لحمه وهو ميت ومن يطيق ذلك فالغيبة أكل لحوم الناس فالواجب على المسلم أن يرتفع عنها قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي نسبته إلى ما ليس فيه يعني فكذبت عليه فالمغتاب لا يخلو إما أن يكون مغتابا وإما أن يكون كذابا وكلاهما جريمتان. Donc on va expliquer ce passage. Cheikh Al-Fawzan, il explique que les deux termes qui sont employés dans ce chapitre qu'on va expliquer maintenant, c'est le premier c'est Al-Riba et le deuxième c'est Al-Namima. Donc est-ce que ces deux termes là sont des synonymes qui veulent dire la même chose? Ou bien est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et certaines personnes, parfois, ils traduisent ces termes-là par la même signification. Ou ils traduisent par le même mot. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ils traduisent al-riba par la médisance. Puis an-namima aussi, ils traduisent par la médisance parfois. Alors que les deux ne sont pas la même chose en arabe. Donc, c'est quoi la différence pour bien comprendre? Donc, al-riba, c'est qu'est-ce qu'on pourrait traduire comme le fait de parler dans le dos de quelqu'un. C'est ça, al-riba. Et an-namima, c'est différent. C'est de colporter des rumeurs. Ou bien, de raconter des choses sur les gens. Disons que c'est pas calomnier nécessairement, parce que calomnier, c'est lorsque tu vas dire des choses fausses sur des gens pour nuire à leur réputation. D'une certaine façon, calomnier, c'est ça. Mais an-namima, c'est pas nécessairement des choses fausses que tu vas propager, ça peut être des choses vraies. Mais des fois, c'est des rumeurs, des fois, c'est des choses confirmées, des fois, c'est des doutes. Ou des fois, c'est des suppositions ou des choses que des gens n'ont pas vérifiées. Puis, ils propagent ça. Ça peut être une calomnie, ça peut ne pas l'être. Mais en tout cas, l'important, c'est de comprendre donc la définition et la signification de ces deux termes. Donc, le cheikh, il dit que ces deux choses, al-riba wa al-namima, sont deux crimes dans le comportement. Et al-riba, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit dans le hadith, en disant que c'est de mentionner à propos de ton frère ce qu'il n'aime pas. que tu mentionnes, en son absence. Hein, en son absence. Donc, c'est le fait de parler derrière son dos. Si tu dis quelque chose qu'il n'aime pas alors qu'il est devant toi, ce n'est pas riba. Pourquoi? Parce que la personne est présente. Al-riba, c'est surtout de mentionner des choses sur ton frère, derrière son dos, c'est-à-dire en son absence, lorsqu'il n'est pas présent. Si la personne est présente, que tu dis des choses à son sujet qui sont déplaisantes, la personne, elle peut se défendre. La personne, elle peut répondre. Mais si la personne n'est pas là, eh bien là, elle ne peut pas se défendre. Elle ne peut pas répondre. Et c'est ça la différence aussi. Parce que il y a des gens qui sont courageux de mentionner des choses quand la personne n'est pas présente. Puis quand la personne est là, ils disent rien. Or, le musulman, il devrait dire les choses dans le but d'être sincère, dans le but d'aider son frère. Donc, il doit lui mentionner cette chose-là devant lui. Mais ce n'est pas nécessaire non plus que si c'est quelque chose de déplaisant, qu'il lui dise devant tout le monde. Parce que si tu vas lui donner le bon conseil, puis que tu lui dis quelque chose qui est déplaisant ou qu'il n'aime pas, puis que tu le dis devant tout le monde, là, ça va devenir comme un genre de... C'est comme si tu veux rabaisser la personne publiquement ou bien la dénigrer publiquement. Et là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est mauvais. Parce que la personne, elle va se sentir humiliée, rabaissée, dénigrée. Et peut-être que ça peut amener la personne à vouloir justement se mettre en colère, vouloir se venger. Et peut-être ça peut ramener des conséquences qui sont beaucoup plus mauvaises. Donc, en fait, il faut voir la question, quelle sorte d'erreur. Et aussi, le fait que la règle générale que les ulama, ils mentionnent souvent, c'est que si quelqu'un fait une erreur en privé, on le corrige en privé. S'il fait une erreur en public, on le corrige en public. Ça, c'est la règle. N'empêche que tu peux, même si une personne fait une erreur en public, il n'y a rien qui t'empêche de lui donner le conseil en privé et de corriger l'erreur en public. Ça, c'est correct. Mais peu importe que ce soit une erreur publique ou privée, et que tu corriges cette erreur-là, si tu corriges quand c'est public, tu le corriges en public, mais il y a une façon de le faire aussi. Tu n'es pas obligé d'attaquer la personne ou de le faire d'une manière pour faire que la personne se sente mal. C'est pas nécessaire de faire ça. Surtout si tu as donné le conseil à la personne en privé et que tu lui as expliqué l'erreur, puis qu'elle a accepté l'erreur, puis qu'elle a accepté de se corriger elle-même aussi, publiquement. Donc là, elle va faire la correction, elle va dire publiquement, je me suis trompé. J'ai dit ça, mais c'était pas ça finalement, c'était incorrect ce que j'ai dit, et voici ce qui est correct. Donc la personne s'est corrigée elle-même. Maintenant, il n'y a pas de mal à ce que toi, tu la corriges par la suite, ou que tu corriges son erreur publiquement, mais avec respect, avec sagesse, avec douceur, et non pas comme une attaque, hein, ou pour dénigrer la personne. Non, avec un bon comportement, sans non plus attaquer son intention aussi. Parce que tu vois que la personne, elle s'est corrigée elle-même. Elle a admis son erreur, puis elle a accepté de revenir publiquement sur son erreur. Donc, tu ne vas pas attaquer son intention ou essayer de douter de sa sincérité par la suite. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'ils font. Ils n'acceptent jamais ton erreur. Même si tu as reconnu que tu avais tort, et même si tu t'es corrigé et tu es revenu sur ton erreur, ils n'acceptent pas. Et on a vu ça, l'exemple, à notre époque, dans la fitna récente, qui s'est produite justement par rapport à Mohammed bin Hadi et tout ce qui est arrivé autour de cette fitna, ils ont reproché à certains, parmi les mashayikh, certaines fautes. Et lorsqu'on leur a montré l'erreur, lorsqu'on a montré à ces chouyours-là leur erreur, hein, déjà, ils les ont critiqués ou blâmés d'avoir fait l'erreur. Alors, quand ces mashiach ont vu l'erreur et ils ont reconnu que c'était une erreur, ils sont revenus sur l'erreur, eh bien, eux, ils continuent à, leur en vouloir pour ça, à les réprimander, à les critiquer pour ça, et ils refusent leur excuse et ils refusent d'accepter qu'ils soient revenus sur cette erreur-là. Et à la limite, ils les critiquent même d'être revenus. C'est comme par exemple, si on va dire que moi je fais une erreur. Je dis quelque chose, puis c'est pas ça. Quelqu'un vient me voir et me dit, « Ah, Souleymane, il a dit telle affaire, ça c'est faux. » Moi, je vois ça, et je dis, « Effectivement, tu as raison, je me suis trompé, ça c'est pas correct. » Et je dis à la personne, « Effectivement, oui, tu as raison, ce que j'ai dit, c'était pas correct, la vérité c'est ça, comme tu l'as dit. » Alors la personne, elle vient me voir et me dit, « Ouais, mais quand même, tu t'es trompé, t'es un égaré, t'es dans l'erreur, et en plus, tu reviens sur ton erreur, en voulant dire, c'est la preuve que tu es un ignorant, parce que sinon, tu n'aurais jamais fait cette erreur-là. Et, tu vois? Donc, c'est comme, avec lui, il ne faut pas se tromper. Et si tu te trompes, même si tu reviens sur l'erreur, ça ne suffit pas. Alors, en fait, en réalité, pour ces gens-là, tu es condamné d'avance. Peu importe. Et il n'y a personne qui ne fait pas d'erreur de toute façon. Donc, je donne ça comme un exemple pour dire que il y a cette attitude-là, yani Allah al-Musta'an. Donc, pour revenir au hadith, par rapport à qu'est-ce qu'il a la définition de al-riba, c'est-à-dire de mentionner à propos de ton frère ce qu'il n'aime pas dans son absence. Et le terme riba, en arabe, c'est la même racine que le mot raib, qui veut dire qu'est-ce qui est absent, qu'est-ce qui est invisible. D'accord? Et c'est pour ça que le cheikh il dit que al-riba, ça vient de al-raiba. C'est-à-dire qu'est-ce qui est caché ou qu'est-ce qui est absent, qu'est-ce qui n'est pas présent. Adam al-hudur. Donc quand quelqu'un n'est pas présent, on dit qu'il est ra'ib. Hein? Par exemple, le professeur, par exemple, quand il prend les présences dans la classe, il cite le nom de l'élève. Si l'élève est présent, il dit hadir. Hadir, ça veut dire je suis présent. Et s'il cite le nom de l'élève, puis l'élève ne répond pas, les élèves disent « Huwa ra'ib », il est absent. Donc « ra'ib », ça vient de « raib », c'est la même chose. Donc le terme « riba », c'est la même origine aussi, c'est dans la même racine. Et donc ça veut dire quand tu parles de quelqu'un alors qu'il est « ra'ib », il est absent. Donc il dit le cheikh, si tu parles d'une personne qui est absente, et tu dis à son sujet des choses parmi les caractéristiques que lui, il n'aime pas que tu dises sur lui, des choses qu'il n'aime pas qu'on dise sur lui, alors ça, c'est le riba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 12, dans surat al-Hujurat, « Et ne parlez pas dans le dos les uns des autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Hein, vous détesteriez cela? » Donc, le cheikh, il dit, ici, on a comparé, ou on a fait la comparaison, ou bien plutôt, on a fait ressembler le fait de parler dans le dos d'une personne à manger sa chair alors qu'il est mort. Yani, comment on appelle ça? Yani, quelqu'un qui mange la viande des êtres humains, hein, on les appelle des cannibales. Hein, des cannibales. Et en plus, la viande de quelqu'un, non pas qui est vivant, mais qui est mort en plus. Donc, ça, c'est encore pire. Et qui serait capable de faire ça? Hein? Juste à l'idée de penser à manger la chair de ton frère, yani, c'est quelque chose qui est tellement dégoûtant, ça te donne envie presque de vomir, juste à y penser. Donc, imagine de manger sa chair alors qu'il est mort. Alors, c'est encore plus grave. Et donc, al-riba, c'est comparé à manger la chair des gens. Hein? Donc c'est très, très laid comme péché et très grave. Et le cheikh, il dit, l'obligation pour le musulman, c'est de s'écarter, de s'élever au-dessus de ce genre de choses-là. Et on a dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, vois-tu si ce que je dis à propos de mon frère est vrai? C'est-à-dire qu'il y a un des compagnons qui a entendu la parole du prophète qui disait que Al-Riba, c'est de dire, de mentionner à propos de ton frère ce qu'il n'aime pas. Lui, il a entendu ça, il a dit, ô messager d'Allah, et si ce que je dis à son sujet, c'est la vérité? Si ce que je dis, c'est vrai, il a vraiment cette caractéristique-là. Hein? Est-ce que ça aussi, c'est mauvais? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à ça en disant, si ce que tu as dit à son sujet, c'est vrai, et c'est vraiment présent chez lui, alors dans ce cas-là, tu as parlé dans son dos. Mais si ce n'était pas vrai, alors là, tu l'as calomnié. Alors c'est ça la calomnie. C'est quand tu vas mentionner quelque chose à propos de ton frère quand il n'est pas présent et que qu'est-ce que tu dis à son sujet, c'est mensonger. Alors là, c'est encore plus grave comme péché. Et donc, il dit, le cheikh, c'est le fait de lui attribuer ce qu'il n'a pas en lui. Donc, tu as menti sur lui. Et celui qui parle dans le dos de son frère, il est donc soit une personne qui parle dans le dos, ou soit qu'il est un menteur. C'est un ou l'autre. Soit ce qu'il dit c'est vrai, alors il parle dans le dos, ou soit qu'il dit c'est pas vrai, alors il ment. Et les deux sont un crime. Le cheikh il dit ensuite, فَيَجِبُ حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الْكَلَامِ فِي النَّاسِ وَارْتِيَابِ النَّاسِ لِأَنَّ لَهُمْ حُرْمَةً وَأَعْرَضُهُمْ مُحَرَّمَةً كَحُرْمَةِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كما يحرم الدم والمال ويحرم العرض بل ربما يكون العرض أخطر من المال لأن المال إذا ذهب يمكن أن يعود أن يعوض ولكن العرض إذا ذهب لا يعوض فعرض الإنسان أغلى عليه من ماله قال الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال احتال للمال إن أودي فأجمعه وليست للعرض أو إن أودى بحال بمحتالي. نعم. Donc ici le cheikh il mentionne que il est obligatoire donc aux musulmans de garder sa langue, de garder sa langue et de ne pas parler sur les gens et de ne pas parler dans le dos des gens parce que yani les gens, leur honneur, il est sacré. L'honneur des gens est sacré. Et de parler sur leur honneur, c'est interdit. C'est haram. Et de la même manière que leur sang est sacré et que leur bien est sacré, eh bien, leur honneur est sacré aussi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit... Vos vies, il a dit votre sang, c'est-à-dire, en voulant dire votre vie, votre sang, vos biens et vos honneurs sont sacrés pour vous. Sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est haram pour vous de prendre quoi que ce soit de ces choses-là de chez vos frères. Le sang, les biens et l'honneur. C'est sacré pour le musulman. Et donc, il est interdit de faire couler le sang ou de prendre les biens et de même que d'atteindre, de porter atteinte à l'honneur d'un musulman. Et il dit que peut-être même que c'est plus dangereux encore pour quelqu'un de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un que de porter atteinte à son argent ou à ses biens. Et la raison de ça, c'est parce que l'argent, si l'argent est parti, il peut être remplacé. Hein, l'argent que tu as perdu, tu peux le regagner par la suite. Mais ton honneur, une fois qu'il est perdu, tu ne peux plus le reprendre. Si ta réputation, elle a été salie ou détruite, c'est très, très difficile de la retrouver. Hein? Parce que ta réputation, si elle a été ternie ou salie par les gens, c'est difficile, hein, de la reprendre, de la nettoyer, si on veut, par la suite. C'est pour ça que dans l'islam, l'honneur d'une personne, c'est très, très, yani, très, très respecté, très grave, de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un, même plus que de porter atteinte à son bien. Et il cite les paroles d'un poète qui dit: je protège mon honneur par mon argent, et je ne vais pas, hein, la salir. Et il dit, yani, que Allah ne met pas de bénédiction, yani, après que j'ai perdu mon honneur par mes biens. C'est-à-dire, si j'ai perdu mon honneur, Allah ne va pas bénir mes biens. Donc, ça veut dire que mon honneur est plus important que mes biens. Je dois le préserver. Et il dit, si on a volé mes biens, je peux en gagner d'autres et en recevoir d'autres. Mais une fois que mon honneur a été détruit ou a été sali, eh bien, je ne peux pas la retrouver. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a une quoi? Une peine pour attaquer l'honneur? Oui. Si quelqu'un, il t'a atteint à ton honneur, il y a des recours dans la charia pour faire en sorte que ton honneur soit dédommagé, que tu sois dédommagé pour l'honneur qu'on a, par exemple, calomnié. On a menti sur toi, on a calomnié ta personne. On t'a accusé de choses qui ne sont pas bonnes. Comme par exemple quelqu'un qui traite une personne de fornicateur ou d'adultérin. Eh bien, tu as le droit de demander une punition pour cette personne-là, parce qu'elle t'a accusé d'un péché que tu n'as pas commis. Donc on voit ça, cet exemple-là, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-qadf. Hein? Il y a une punition pour ceux qui font al-qadf, c'est-à-dire qui insultent ou qui accusent quelqu'un d'avoir commis la fornication ou l'adultère sans produire des témoins. Ensuite, le cheikh il dit: Fa'idha dhahaba al-ird, la yumkinu annaka tu'awwidhuhu, fal-'irdu aghla min al-mal. فالغيبة محرمة بنص القرآن ولا يغتب هذا نهي بعضكم بعضا الغيبة لعموم المسلمين محرمة فكيف إذا كانت الغيبة للعلماء أو لولاة الأمور فهي أشد لأنها غيبة ولأنها تسبب شرا في المجتمع بأن ينفصلوا عن قاداتهم وعن علمائهم وتتفرق الكلمة ويحصل شر للمجتمع. Donc le cheikh il dit, lorsque l'honneur elle est partie, hein, elle a été enlevée, ou elle a été, quelqu'un il a perdu son honneur, il ne peut pas la retrouver. Hein? C'est très difficile. Donc c'est plus précieux pour quelqu'un que l'argent. Et il dit que al-riba, c'est donc interdit par le texte du Coran, puisque Allah il dit ne faites pas de riba, c'est-à-dire ne parlez pas dans le dos les uns des autres. Et ça, c'est une interdiction. Donc, le riba, c'est interdit pour les musulmans en général. Et il dit, si c'est interdit pour les musulmans, le commun des musulmans, alors que dire de celui qui fait le riba et qui parle dans le dos des savants de l'islam, ou qui parlent dans le dos des dirigeants musulmans? Ça, c'est encore plus grave. Et pourtant, tu vois que beaucoup de musulmans, se permettent de parler dans le dos de leurs dirigeants sans aucune gêne. Tandis que si quelqu'un parlait dans leur dos et qu'eux, ils apprenaient ça, ils seraient extrêmement en colère, ils seraient fâchés contre cette personne. Mais eux, quand c'est les dirigeants, on dirait que tout est halal pour eux. Ils pensent que tout est permis, alors que ce dirigeant-là, c'est un musulman, même s'il fait des péchés. D'accord? Donc le cheikh, il dit, non seulement c'est un péché en soi, mais c'est beaucoup plus grave de faire la médisance et de parler dans le dos des dirigeants et des savants de l'islam. Pourquoi? Parce que ça ramène un grand mal pour la société du fait que les gens vont vouloir, ils ne voudront plus avoir du respect pour ce dirigeant-là à cause de ça. Ou bien ils vont se séparer de leurs dirigeants ou de leurs savants. Et ça va causer de la division. Et ça va ramener beaucoup de mal dans la société à cause de ça. Donc c'est extrêmement grave. Et il y a une histoire que je me souviens qui m'est arrivée il y a plusieurs années. C'est lorsque je suis allé, la première fois que je suis allé faire le Hajj en Arabie Saoudite, quand j'étais nouveau à l'université, à l'époque, c'était en 96. Et on venait juste de terminer le Hajj. Et il y avait des durus, des cours qui étaient donnés dans la mosquée à Mecca. Donc ce jour-là, j'étais parti à la mosquée de Cheikh Ibn Baz et j'avais rencontré le Cheikh, alhamdulillah. Et j'étais, après avoir prié la salat d'Asr, j'ai marché vers le haram. Et une fois arrivé dans le haram, je suis rentré par la porte, une des portes derrière. Et cette porte, elle t'amène directement au deuxième étage. Et quand je suis rentré, je suis passé dans les couloirs et à cette heure-là, il n'y avait pas beaucoup de gens dans la mosquée parce qu'on avait déjà prié l'Asr. On avait déjà prié l'Asr. Donc la plupart des gens, après la salat, ils étaient déjà rentrés dans leurs hôtels. Alors, j'ai dit, bon, dans ma tête, je me suis dit, je vais rester dans la mosquée et je vais voir quand il va y avoir un dars qui va commencer parce qu'en général, après le Maghreb, il y a toujours des durus. Différents ulama. Je vais voir une des chaises et quand il y a un dars qui va se faire, je vais m'asseoir puis je vais attendre que le cheikh arrive pour le dars après Maghrib. Et arrivé à une des chaises, j'ai vu deux jeunes qui étaient assis devant la chaise et qui discutaient entre eux. Alors, quand je suis arrivé, je me suis assis, j'ai dit, est-ce qu'il va y avoir un dars ici? Ils m'ont dit oui. Et là, j'ai dit, ce cheikh, le cheikh qui va faire le dars, est-ce que vous savez qui c'est? Et là, il y en a un qui commençait, les deux commençaient à discuter entre eux. Puis il y en a un qui disait, oh, mais moi, ce cheikh-là, en fait, je ne l'aime pas tellement. Il commençait à dire des choses. Et l'autre qui lui répondait, il disait, mais non, mon frère, ça c'est un grand savant, qu'est-ce que tu racontes et tout. Mais j'ai dit, mais finalement, parce qu'ils ne m'ont pas dit le nom de la personne, alors j'ai dit, mais c'est qui? C'est quoi son nom? Et là, il me répond, il me dit, c'est Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. J'ai dit, quoi? Il dit, vous êtes en train de discuter sur le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, le grand savant, l'imam. J'étais juste à entendre ça, j'étais fou de joie déjà de savoir que le cheikh il va s'asseoir ici. J'ai dit, le cheikh il va s'asseoir ici? Ils ont dit, oui, il va venir s'asseoir ici. Donc j'ai dit, mais ça c'est un grand savant, qu'est-ce que vous racontez? Hein? Finalement, je suis resté assis et j'ai attendu jusqu'à le Maghreb. Là, les gens commençaient à rentrer, ils commençaient à avoir de plus en plus de monde. Et moi, j'ai fait attention de rester le plus proche possible de la chaise, pour pouvoir justement être plus proche du cheikh. Puis, finalement, il y a eu l'adhan, puis il y a eu l'iqama. Et là, on a fait la salat. Et le cheikh, il est venu après la salat, il est venu s'asseoir sur la chaise. Et là, on s'est tous tournés. Et là, il a commencé son dars. Tout ça pour dire, des fois, les jeunes, comme ça, ils se permettent de parler des ulama et des machaires. et donner leur opinion sur eux comme si comme si c'était rien du tout, yani Allah al-musta'an. Mais cet exemple-là, ça m'avait choqué de voir ça, des jeunes comme ça qui se permettaient de critiquer le cheikh, Allah al-musta'an. Donc tout ça, c'est pour dire, yani, de parler dans le dos des ulama, c'est beaucoup, beaucoup plus grave que de parler dans le dos de, du petit gars du coin, là, qui est inconnu de toute la population, personne ne le connaît. Hein, tu parles sur son dos, c'est déjà un péché. Alors que dire de celui qui parle des imams et des ulama du monde musulman? C'est encore plus grave. Maintenant, le cheikh Al-Mardawi, l'auteur du poème, il commence donc le premier vers dans ce chapitre-là, il dit « وَيَحْرُمُ بُهْتٌ وَاغْتِيَابٌ نَمِيمَةٌ وَإِفْشَاءُ سِرٍ ثُمَّ لَعْنُ مُقَيَّدِ » Donc il dit, qu'est-ce qui est il est interdit? La calomnie, parler dans le dos et faire de la médisance. وَإِفْشَاءُ سِرٍ إِفْشَاءُ سِرٍ, ça veut dire divulguer les secrets. ثُمَّ لَعْنُ مُقَيَّدِ, c'est-à-dire puis de dire la malédiction, d'envoyer la malédiction sur les gens. Muqayyadi, yani d'après moi, c'est pour dire que lorsque on maudit des groupes de personnes en général, comme par exemple la'natullahi ala al-kafirin, ça c'est permis. Mais de faire la malédiction d'une personne spécifique, ça c'est interdit. Et c'est ça que le cheikh, plus tard, on va expliquer ça de toute façon. Donc ici, le cheikh Al-Fawzan, il explique les termes que le cheikh a mentionnés dans son poème. Il dit « Wa yahrumu buhtun al-buht huwa al-kadhib. Wa yunsabu ila l'insani ma laysa, wa an yunsab ila l'insan ma laysa fih. Qala subhanah. Wa lawla idh sami'tumuhu » يعني حديث الإفك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم والبهتان هو الكذب وهو محرم بنص الكتاب والسنة بنص الكتاب الكريم والسنة. Donc ici le cheikh il explique que البهت c'est le mensonge, c'est d'attribuer à quelqu'un ce qui n'est pas en lui, l'accuser de quelque chose qui n'est pas présent chez lui. Et il mentionne le verset 16 dans Sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ainsi seulement lorsqu'ils l'avaient entendu, c'est-à-dire la parole de mensonge, ceux qui avaient accusé Aïcha radiallahu anha à l'époque, d'avoir commis le péché ou des choses comme ça, il dit, si seulement lorsqu'ils l'avaient entendu, ils se seraient dit, nous ne pouvons pas parler de cette façon ou dire ce genre de choses. Hein? Gloire à toi, ô Allah, ceci est une grande calomnie. Ceci est un grand blasphème. Donc, al-buhtan, c'est le mensonge. Donc, al-buht et al-buhtan, c'est ça. C'est le fait de mentir, de calomnier. Et donc, ça, c'est interdit selon le texte du Coran. Et également dans les hadiths, on l'a vu. L'autre terme, il dit يَحْرُمُ بُهْتٌ وَاغْتِيَابٌ نَمِيمَةٌ. Donc il dit النَمِيمَة وَالنَمِيمَة هِيَ الْوَشَايَة الْوِشَايَة بِنَقْلِ الْحَدِيثِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ بِأَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَخْصٍ فَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيكَ كَذَا وَكَذَا ثم يذهب إلى الآخر ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا فينقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد والتفريق بينهم والنميمة محرمة بنص القرآن قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية لا يدخل الجنة يعني قطات. والقطات يعني هو النمام. ويعني donc on va traduire ce point là. Donc an-namima c'est de transmettre les paroles entre les gens, mais dans le but de faire du trouble, de faire du désordre entre les gens. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un tel et tu lui dis, lui, il dit ça sur toi. Hein? Et tu vas voir l'autre et tu dis, lui, il dit ça sur toi. Donc, tu rapportes à chaque personne qu'est-ce que les uns disent sur les autres pour faire du trouble, pour faire du désordre. Ça, on appelle ça an-namima. C'est ça, an-namima. Donc, en fait, c'est de colporter les paroles des gens les uns contre les autres dans le but de faire des troubles entre eux et de faire du désordre entre eux. Et ça, c'est interdit parce que ça crée de la division et ça crée du désordre entre les gens. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement cette caractéristique-là chez les kuffars dans Sourate Al-Qalam. Et il mentionne justement, on va lire, c'est les versets 10 et 11 dans Sourate Al-Qalam. Il dit, et n'obéis pas à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur et grand colporteur de médisance. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui fait an-namima, an-namam, on dit an-namam, celui qui fait de la médisance, il n'entre pas au paradis. Donc, celui qui fait de la médisance, il n'entre pas au paradis. Et le terme qui est mentionné, soit an-namam ou bien al-qattat. Et les deux, ça veut dire la même chose, celui qui fait de la médisance. Il dit ensuite, wa marra sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول وفي رواية يعني من بوله وفي رواية لا يستنزه من البول وفي رواية لا يستتر من البول والشاهد أن النميمة سبب لعذاب القبر كما أطلع الله نبيه على ذلك صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بذلك موعظة لهم. Donc ici le cheikh il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم il est passé près de deux tombes et il a dit: ceux qui sont dans ces tombes-là sont en train d'être châtiés. Il dit, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose qui est grand. En voulant dire, ce n'est pas quelque chose qui était difficile pour eux de ne pas le faire. Et il dit, et effectivement, c'est quelque chose de grand. En voulant dire, c'est quelque chose qui est grave. Mais ce n'était pas difficile pour eux de s'en abstenir. Il dit, en ce qui concerne le premier, il colportait la médisance. Et en ce qui concerne le deuxième, il ne se préservait pas des éclaboussures d'urine quand il urinait. Et donc, le cheikh, il explique ici que ça, c'est la preuve que la médisance, ça fait partie des causes pour que quelqu'un soit châtié dans sa tombe. Et ça, c'est parmi les exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses du raib. Et c'est une exhortation pour les gens, et c'est pour ça qu'il a informé les gens de ça. Il dit ensuite, wa ifsha'u sirrin thumma la'nun muqayyadi. Ou bien, thumma la'nin faqayyidi. Donc ici هذه الجرائم اولا البهت وهو الكذب والثانيه الغيبه والاغتياب والثالث النميمه والرابع افشاء السر والخامس اللعن. والسر يعني هو الشيء الذي لا يرضى صاحبه بالاطلاع عليه. من الأمور السرية التي لا يرضى أصحابها أن يطلع عليه أن يطلع عليها، فلا يجوز لأحد أن يفشيها وينشرها في الناس، هذا حرام، لأن السر أمانة ائتمنك صاحبه عليه، فإذا أطلعت على أموره فلا تفشيها، فإن أطلعت على أموره فلا تفشيها، لا تقول فلان عنده كذا وفلان يعمل كذا، وهذه أسرار، هذه أسرار. وكذلك الأسرار المتعلقة بالدولة هذا يضر بالسياسة، وقد ائتمنك ولي الأمر على هذا السر فلا تفشيه للأعداء، لأن في ذلك ضررا على المجتمع، فإفشاء السر فيه ضرر على الأفراد وفيه ضرر على المجتمع، والذي اطلع على سر من أسرار المسلمين فإنه يجب عليه حفظه وكتمانه وعدم إفشائه. Donc ici le cheikh il explique que l'auteur il mentionne dans le livre également de divulguer les secrets. Et donc les crimes qu'il a mentionnés sont al-buht, qui est le mensonge, al-riba wa al-irdiyab, qui est de parler dans le dos. Troisièmement, al-namima, c'est-à-dire faire de la médisance. Et quatrièmement, divulguer les secrets. Et cinquièmement, al-la'n, donc c'est-à-dire la malédiction, le fait de maudire. Donc, en ce qui concerne le quatrième, qui est le fait de divulguer les secrets, le secret, c'est quoi le secret? C'est ce que la personne t'a confié et qu'il ne veut pas que tu laisses savoir ou laisses connaître les autres personnes. Et le cheikh, il dit que parmi les choses qui sont secrètes et que la personne, elle ne veut pas que les gens connaissent, elle te l'a confié, elle ne veut pas que les autres le sachent. Alors, tu n'as pas le droit de divulguer ce secret-là. Tu n'as pas le droit de le propager parmi les gens. Ça, c'est haram. Parce que le secret, c'est un dépôt que la personne, elle te confie. Et donc, si tu le divulgues, tu as trahi sa confiance. Tu as trahi le dépôt qu'on t'avait confié. Alors, ne le divulgue pas. Tu ne vas pas dire, par exemple, un tel, il a telle chose, ou un tel, il a fait telle chose. Parce que ça fait partie de ses secrets. La personne, elle ne veut pas que les gens le sachent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, de divulguer les secrets de quelqu'un, ça, c'est haram. Hein, ça fait partie des grands péchés. Et il y a d'autres catégories de secrets qui sont aussi important à garder, comme par exemple les secrets d'État. Les secrets d'État, parce que ça peut faire du tort à la politique. Et si le dirigeant t'a fait confiance, il t'a confié des secrets, alors ne va pas divulguer ces secrets-là aux ennemis. Parce que sinon, ça va faire un tort à la société. Et donc, de divulguer le secret, ça va, il y a dans ça un tort pour les individus. Il y a également un tort pour la société. Donc celui qui a eu connaissance d'un secret parmi les secrets des musulmans, il est obligatoire pour lui de le garder et de le cacher et de ne pas le divulguer. Ensuite, le cheikh il dit « Wal khamis ». La cinquième chose qui est mentionnée par l'auteur ici, c'est « Al-la'n ». Il dit « Wa huwa at-tardu wal-ib'adu an rahmatillah ». « Fala yajuzu an tal'ana musliman, ou dabbatan, ou بقعة أو بيتا، لأن اللعن لفظ قبيح وهو دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا قلت لعنه الله، معناه أنك تقول أبعده الله من رحمته. Donc le cinquième, le cheikh, il dit, c'est la malédiction, le fait de maudire. Et qu'est-ce que ça signifie, al-la'n en arabe? Ça signifie de chasser ou d'éloigner quelqu'un ou quelque chose de la miséricorde d'Allah. Donc il n'est pas permis aux musulmans de maudire soit un autre musulman, ou de maudire un animal, ou de maudire un lieu, ou une maison, ou un animal. Tu ne peux pas maudire. C'est-à-dire, à moins que ce soit un animal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même maudit, ou que Allah a maudit. Mais si cet animal-là n'a pas été maudit, tu n'as pas le droit de le maudire. La même chose aussi, il dit, le cheikh, il dit que la malédiction, c'est un mot ou une expression qui est laide, un mauvais mot. Et c'est d'invoquer donc que Allah chasse de sa miséricorde quelqu'un ou quelque chose. Donc quand tu dis par exemple que Allah le maudisse, ou la'anahullah, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah l'écarte ou l'éloigne de sa miséricorde. Donc ça, c'est pas quelque chose que tu dois dire, hein, de façon aussi aisée que ça. Malheureusement, il y a des gens, ils se laissent aller dans ça, et ils pensent qu'il n'y a pas de problème de dire ça. Il y en a qui maudissent leurs propres enfants, qui maudissent leurs biens, qui maudissent leur maison, qui maudissent le temps et la température, qui maudissent la neige ou la pluie, ou des choses comme ça. Et ça, c'est pas permis pour le musulman, parce que c'est Allah qui contrôle la température. C'est Allah qui contrôle la pluie, c'est Allah qui contrôle le temps. Hein? Donc, ensuite, le cheikh, il dit, وفي الحديث لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله وأشد من ذلك لعن الوالدين قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه وقيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فهذا لعن غير مباشر ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنه فكيف إذا لعن والديه مباشرة هذا أشد والعياذ بالله فعلى المسلم أن يكف لسانه عن اللعن وليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا البذيء فلا يعود لسانه اللعن فلا يعود لسانه اللعن ولكن لعن الكافرين ولعن الكاذبين ولعن الظالمين هذا لا بأس من غير تعيين قال ألا لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الكاذبين لعن الله شارب الخمر وهذا من غير تعيين يعني لعن الله من فعل كذا وكذا مما ورد في الأحاديث من لعن أصحاب الجرائم على سبيل العموم لا بأس به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما لعن المعينين فهذا فيه خلاف. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait de maudire le croyant, c'est comme de le tuer. C'est équivalent à le tuer. Donc ça veut dire que c'est très grave. Et il dit même pire que ça, c'est lorsque quelqu'un, il maudit ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah maudit celui qui maudit ses parents. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Alors, quelqu'un a dit, « Oh, messager d'Allah, comment quelqu'un va maudire une personne va maudire ses parents ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, tu vas insulter le père d'un homme, alors lui, il va insulter ton père en retour. Ou bien tu vas insulter sa mère, alors il va insulter ta mère en retour. Donc ça veut dire que tu les as maudits indirectement. Donc ça, c'est un exemple. Après, le cheikh, il dit de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réprimandé celui qui faisait ça. Alors, que dire de celui qui va maudire ses parents directement? Ça, c'est encore plus grave. Il a blâmé celui qui le fait indirectement. Alors, imagine celui qui le fait directement. C'est encore plus grave. Voilà, iyadhu billah. Il dit que le musulman, il doit donc retenir sa langue du fait de maudire. Et ne pas. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien un hadith que les sahabas ont mentionné qui dit que le croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant n'est pas la'an. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui maudit constamment. Wala ta'an. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui insulte constamment. Wala al-fahish. Al-fahish, c'est quelqu'un qui est obscène, qui dit des mots qui sont grossiers, hein? Qui sont des choses sales, laides. Wala al-badhi, c'est ça, il n'est pas grossier, impoli. Donc, le musulman ne doit pas être comme ça. Parce que ce n'est pas des belles caractéristiques. Donc, il dit que le musulman, il ne doit pas habituer sa langue à maudire. Mais de façon générale, si tu veux maudire les mécréants, maudire les menteurs, maudire les injustes, ça, il n'y a pas de mal, sans spécifier quelqu'un en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, hein, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Nous plaçons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Allah a maudit celui qui boit de l'alcool, sans spécifier une personne en particulier. Ça, c'est permis. Que Allah maudit celui qui fait telle ou telle chose. Il y a beaucoup de hadiths dans lesquels on spécifie que ceux qui font certains crimes ou certains péchés sont maudits. De façon générale, il n'y a pas de mal. En ce qui concerne le fait de maudire une personne spécifique, sur ça, il y a divergence entre les ulama. Mais qu'est-ce qui est mentionné en particulier sur ça? La position la plus correcte, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que ce n'est pas permis de maudire la personne de façon spécifique. Naam, Wallahu ta'ala a'lam, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته